on commence vite là, parce que pas que chaque foot, il y a plein de choses à passer aujourd'hui. Et puis même, on aura un invité par téléphone, c'est Pyongyang Steelers numéro 401. Pas de Gaël, pas de Thibaut, pas de Henri, mais par contre, le grand retour de Célia. Ouais, salut. Et de Jamie. Salut, oi. Il est là. Ah non, oi, tu dis oi aussi, toi. Ouais, mais non. Ouais. T'as été dire oi. Parce qu'il est à sa place. Ouais. Ouais. Et puis, moi-même, Stéphane. Donc, vers 20h20, on devrait avoir la joie, l'avantage et peut-être la dextérité technique de mettre Yass sur antenne. Bon, il faut voir si le bousin il marche. On sait pas. Mais si ça va marcher. J'ai pas encore fait de test. mais normalement, on va se téléphoner à 20h20. Hein. Alors, on fera peut-être de la traduction simultanée parce qu'il est là-bas tout loin. Pour l'instant, voici un groupe qui passe demain soir au Cabron à Anvers. C'est Rowdy. Il y a des anciens de Ex-Dispensers là-dedans. Mais bon, c'est plus punk que Ex-Dispensers que vous connaissez peut-être. Puis moi, j'en ai passé il y a longtemps. Pour l'instant, voici Rowdy, R-O-W-D-Y, qui font Be The One. Je suis content qu'il y ait du monde dans le studio, dis donc. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, la semaine dernière, il y avait deux auditrices haters. J'ai vu sur la photo. J'étais content. Moi, je vais vous passer un peu de Turnstile, ça fait longtemps. Ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Never Enough, c'est sorti au mois de juin. Il ressemble pas mal à l'album juste avant, Glow On, avec peut-être un peu plus de morceaux pop. Même si quand on cherche des infos, il y a toujours écrit que c'est du hardcore. Il y a des trucs qui font un peu hardcore, mais... Si ça ressemble vachement à celui d'avant, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien de trop à inventer, quoi. Sauf s'ils font de la pop, alors là, moi, je suis d'accord. C'est un peu toujours entre les deux, comme celui juste avant, où il y a des morceaux qui vont être un peu plus hardcore et d'autres un peu plus smooth, quoi. Smooth. C'est ça. Donc, on écoute tout de suite Solé de Turnstile. We'll be right back. Ah non, mais là, les claviers, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, mais j'ai pris le morceau le plus... où il y avait moins de claviers. Ouais. C'est ça, un des morceaux. Ah, vas-y, alors. Alors, il est avec nous avec sa belle veste. T'as mis une belle jaquette pour sortir. J'ai retrouvé mon badge de PCR. Oh putain, t'as ça toi. Le mien, je l'ai perdu. Mais moi, je l'ai pas. Il y en a plus en plus. Hein. Bah ouais, je sais. J'avais plus où il était, putain. Mais ouais. Je connais un mec qui fait des badges. Ouais, c'est vrai, il faut que j'en fasse faire des badges. Ouais, non, mais là, c'est Laurent qui les avait fait. On les a tous distribués à des grands leaders d'honneur et d'honorice. Enfin, la grande leaderice d'honneur. Pardon. Et donc, toi aussi, tu vas nous passer du mainstream. Ouais, Fontaine d'ici, ils viennent de Dublin, mais ils sont partis à Londres. Ah bah, putain, ouais. Vraiment. Cool. C'est pas un peu des traîtres? Non, je pose la question. Hein. Non, on peut dire ça. Et il parle de Dublin justement sous la pluie. Et que Dublin est à lui sous la pluie. Bah d'accord. Dublin is mine. J'en vois. Ouais. Boum. Boum. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Stands those sheets for the birdhouse jail, all mescaline when the past is stale, pale. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Slick little boy with a mind of rich, pulling that thread for the next big fix. This. My childhood was small, my childhood was small, but I'm gonna be big. But I'm gonna be big. My childhood was small. My childhood was small. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. Well, Dublin in the rain is mine. A pregnant city with a Catholic mind. Stamps those sheets for a birdhouse jail. All mescaline when the past is stale, pale. Dublin in the rain is mine. A loose ambassador for all that crime. Slick little boy with a mind of Ritz, pulling that thread for the next big fix. This. My childhood was small. My childhood was small. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. My childhood was small. Oh yeah, yeah, yeah, my childhood was small. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. I'm gonna be big. Big. Big, ouais. C'est de ça qu'il parle. Ouais. Ouais. Donc, non seulement on va avoir quelqu'un qui nous téléphone depuis le Japon, mais en plus de ça, ce vendredi, il y a un groupe japonais qui passe à la Griffe, à l'île 37 rue des Postes, c'est Kujaku. Kujaku, c'est un... un pan, c'est un pan. Ok, l'animal. Ouais. Mais eux, ils font du heavy psyché et délique. Que vous allez entendre dans quelques secondes. Ils seront précédés par Autoroute, c'est un Allemand qui fait vroom vroom. Et là, c'est de l'expérimental Doom. Tout ça va donc se passer à la Griffe ce vendredi à partir de 20h pour 8 euros l'entrée. Et c'est organisé par Cerber Corifé et Alternative Tekken, des gens bien méritants. Voici Kujaku avec Mei. We'll be right back. Bim. Bah voilà. Ça s'est bien passé, on est tous vivants. Ça va, ça va. Bon, je tiens à vous informer déjà qu'il n'est pas encore endormi, hein, le monsieur qui va nous téléphoner dans 5 minutes. Donc ça devrait peut-être pouvoir le faire. Ça va le faire. Voilà. Faut que la technique, elle marche. Ouais. Bah, vous me connaissez. Ça marche toujours. Je sais pas. Allez, moi, je vais faire un petit coucou au grand leader Gaël. Je vais passer un petit groupe de Oi français. Il s'appelle Les Couloirs du Temps. C'est un groupe en hommage au film Les Visiteurs. On ne sait pas trop il y a qui est dedans. Les seules infos, il y a qui. Oui, il y a qui. Il y a qui. Les seules infos qu'il y a sur le net, c'est que c'est fait par GDM et JLF. Donc, je pense Godefroy de Montmirail et Jacouille la Fripouille. Ah ouais. C'est petit. Et que ça a été produit en l'an de grâce 1112. D'accord. C'est sorti uniquement sur Bandcamp. On peut y retrouver trois morceaux, dont celui qu'on va écouter tout de suite, qui s'appelle Trépas, par Les Couloirs du Temps. Oi. Sur Pion Roxy Rockers numéro 401, sur Campus en 6,6. Détruit. Oui. Bon, moi je vais vous passer Snapped Ankles. Alors la chanson c'est I Want My Minute Back. Je veux retrouver ma minute. Moi c'était 20h30, mais c'est. Ouais, mais là, dans. Et ouais, Come Play the Trees, c'est l'album. Et on écoute tout de suite sur PCR. Thank you. Eh ben voilà, c'était très bien. C'était quoi ça, Snap ? Non, c'était... Je sais plus, moi. Attends, je suis en train de régler des trucs en même temps. C'était... Putain, je sais plus non plus. Non. Bon, c'est bah, I Want My Minute Back de Snapped Ankles. Snapped Ankles, voilà, voilà. C'est tout à fait. Bon, donc normalement, on devrait avoir quelqu'un à l'antenne. Allô ? Allô, monsieur ? Oui, allô ? Allô ? Est-ce qu'on entend ? Bonjour, est-ce qu'on bonsoir, entend ? Je ne sais plus. Ah. Ah, légèrement, ouais, enlève ta coque, je pense que ça marchera mieux pour. Non, j'ai pas de coque. Ah, il n'y a pas de coque ? Ah, bah non, je sais pas. C'est un téléphone sans coque. c'est un peu compliqué, là. Allô ? On entend un petit peu, mais que d'un côté. Ah ouais, bah c'est. On a du super matos avec un mini jack qui est tout pourri. Ah, on t'entend mieux, là. Allô ? Vous m'entendez bien ? Allô, oh, c'est tout petit. Ouais, il va falloir régler. Le niveau de la source. Hop, avec plein de gains. Bon, plein des super bons réglages pendant que nous sommes à l'antenne. C'est trop bien. Vous êtes bien à l'écoute de Pyongyang City Rockers. C'est le numéro 401. Et normalement, nous devrions maintenant pouvoir parler à Yass. Yass, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends très bien, Stéphane. Ah, putain, ça marche mieux, là. J'ai mis le gain à fond. On t'entend, mais... Tout petit, faut pas parler en même temps. Et est-ce qu'en même temps tu entends Célia qui parle ? J'entends Célia qui parle en même temps. Trop bien, donc on va pouvoir tous te poser des questions. Ouais, bonjour. Bah écoute, super. Et puis en plus de ça, non seulement il y a Célia, mais il y a aussi Jamie. Bonjour Yass. Alors déjà, merci d'être resté réveillé jusqu'à une heure si tardive. Faut qu'on dise quand même, bon j'ai dit tout à l'heure, mais faut que tu dises toi où tu te trouves. T'es pas à Lille, hein ? Non, je suis à Tokyo. D'accord. Depuis un moment, ça fait un mois que t'es là-bas. Ouais, ça fait un mois et 10 jours. Putain, ouais, bon, d'accord. Et donc, ouais, en plus de ça, il n'est pas 20h24 comme ici dans le studio. L'heure est un petit peu décalée, c'est curieux. Oui, il est plus 7h. Donc, il est 3h24 et 54 secondes. donc, t'as quand même fait exprès de rester réveillé jusqu'à cette heure-là ? Juste pour vous parler. Ouais. Ouais. Putain, c'est cool. Bon, en même temps, c'est tu passes cool. À l'antenne. Ouais, c'est... Bon. Eh ben, je sais. Donc déjà, bah, vraiment merci d'accepter de rester réveillé jusqu'à cette heure extrêmement tardive. Qu'est-ce que tu fous à Tokyo ? Tu fais du tourisme, là ? Absolument pas, non. Je fais tout sauf du tourisme depuis que je suis arrivé ici. Je fais des concerts principalement, puisque je suis parti sur la base d'une tournée. Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que j'ai la dernière ligne droite de l'album qu'on est en train de terminer avec Yass Body. Qui se boucle ici, à Tokyo. Ok. Donc voilà, je suis pas du tout là pour le tourisme, ce qui est une très bonne chose, parce que je suis pas très fan du tourisme en général. Contrairement à l'année dernière, où vous aviez quand même pu rencontrer des animaux bizarres et puis des autochtones du même bois. Oh bah, tout à fait. Bah, cette année, elle a été riche en rencontres d'autochtones. Il y avait des très bons cette année. C'est des nouvelles personnes très sympas. D'accord. Et très rigolote. Et des endroits aussi un peu différents de l'année dernière, même s'il y a beaucoup de lieux que j'ai refait du coup, du fait de me retrouver réinvité et ré-réinvité et ré-ré-réinvité, parce que ça arrive assez régulièrement que je fasse 3 fois la même salle, voire 4 fois. Non. En 4 jours consécutifs ou pas ? Ouais, c'est arrivé sur plusieurs jours consécutifs et ouais, ça laissait pas beaucoup de day off. Du coup, j'ai pas vu le temps passer à vrai dire. Et bon, c'est pas la même dynamique que l'an passé où du coup, pour situer le contexte, on était en tournée de groupe pour la découverte et pour répondre à l'invitation aussi qu'on avait de notre ami Duran qui est du coup musicien japonais qu'on aime beaucoup et qu'on a rencontré à Lille, qui nous a proposé de venir. Ouais, il avait joué à la Musolo. Grâce, exactement, ouais. Exactement, et grâce au coup de main linguistique de Masako, qui est notre clarinettiste, on a fait un gros bond en avant, sans jeu de mots asiatique trop stupide, mais... Ah, désolé, les 3h30 du matin. Mais non, oui, ça va, on comprend. Ouais, vous comprenez. voilà. Et du coup, voilà où, voilà comment ça se passe cette année. C'est à peu près, c'est pas une redite de l'année dernière. C'est vraiment une autre dynamique pour le coup. Et il y a beaucoup plus de dates encore. C'est un peu la différence. Où déplacer en groupe, c'était toujours un peu plus compliqué. Puis surtout, on avait passé du temps à jouer dans le pays. On a un peu labouré le pays. Et là, cette année, je suis très centré autour de Tokyo. Ouais, j'ai vu pour là des raisons. Ouais. Les trucs que tu publies sur Facebook, entre autres, c'est t'as quasiment que des dates à Tokyo là pour finir là. Il reste encore 5 ou 6, je pense. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Et que tout à Tokyo. c'est Tokyo. C'est ça, ouais. Je sais pas combien de fois tu peux mettre Paris dans Tokyo, mais imaginez que c'est un peu grand, quoi. Ouais, donc c'est un peu comme un pays, quoi. Ouais, clairement, ouais. Ouais, ça fait un peu comme Los C'est Angeles, quoi. gigantesque. Et quand t'as pas de repères visuels, t'as presque l'impression que c'est comme les jeux vidéo avec des donjons procéduraux, tu sais, où tu réapparais à des endroits et tu sais Ah pas ouais. pourquoi t'es là. Et Ouais, tu mets c'est divertissant. 35 minutes à faire 400 mètres. Et une fois arrivé en face d'un endroit, il y a la notion de verticalité qui rentre en ligne de compte. Parce que cette ville est extrêmement verticale. Ouais, parce que ouais, Faut savoir. je me rappelle, vous aviez dit que vous jouiez dans des salles qui étaient dans des étages super hauts, dans des gratte-ciel. Ouais, on a joué dans au 7e étage. Bah d'ailleurs, je vais rejouer dans cet endroit-là, au 7th floor, ça s'appelle. Bon, ça J'y va, joue septième étage. juste deux fois. D'accord. Bah c'est cool, c'est vachement, tu vois les avions passer au-dessus de ta tête sur une espèce de rooftop à l'endroit où tu joues avec un bar très sympa, une très belle scène et une capacité de 300 personnes. Donc c'est ouais, c'est cool, c'est cool. Il y a beaucoup de salles de cette capacité-là dans Tokyo? Ouais. Ah ouais, y en a, je sais pas combien il y en a, mais probablement des centaines, ouais. Ça va. C'est certain, quoi. C'est Ouais. du coup, il y a des salles. En fait, c'est vraiment. Faut imaginer une très grande ville où tu démultiplierais la superficie par la hauteur, quoi. C'est-à-dire que c'est mathématique comme un raisonnement, mais en vrai, Ouais. c'est vraiment très, très impressionnant déjà d'arriver à l'endroit où tu essayes d'arriver soit avec une carte, soit avec un GPS. Puis les GPS qui gèrent pas du tout la verticalité sont juste complètement paumés. Du coup, tu as des points qui ta position sur un GPS, elle passe ton temps à flotter sur 50 mètres et à se balader. C'est Ok. complètement idiot de regarder un GPS au bout d'un moment. Donc, non, en fait, tout ce Ça qu'on peut faire, rentrait. c'est Ouais. demander aux gens qui sont là si c'est bien le bon endroit. Ah ouais. À l'ancienne. Ah bah complètement, ouais, J'aime faut bien. parler avec les gens. Ah ouais, complètement. Ah, les gens, ils aiment bien te ramener en plus aux endroits où tu cherches, donc faut pas Ah ouais. hésiter à. Oh, cool. Enfin, ils sont. Ah, carrément, les gens sont très très très serviables, à Ouais, mais tel c'est. point qu'il faut pas abuser, parce que les gens vont pas te dire que tu les emmerdes, mais ils vont t'emmener quand même. Ouais, par contre, à un moment, bon, il commence à faire une drôle de tête ou un truc comme ça, non? Eh bah pas vraiment, non, c'est ça le truc, c'est que c'est très poker face un peu le Japon, faut comprendre. Il y a un langage, il y a un vrai langage qui est complètement non verbal. Là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 minutes, j'étais dans un combini chercher un truc. Je pense que j'ai parlé à personne sur toute la route et même à l'intérieur du magasin, j'ai pris un truc, on ne s'est pas échangé un mot, quoi. Parce qu'il y a une autre façon de communiquer qui est tout simplement corporelle et au niveau de l'attitude et qui Même fait pour dire, que, en fait, tu dis beaucoup de choses pour ça. même pour dire s'il vous plaît, merci. Ah ouais, bah c'est on dit Rashaimasen quand tu rentres dans un magasin, ce qui Ouais. veut dire plus ou moins bienvenue dans mon magasin. Et les gens ont tendance, avec l'heure avançant dans la nuit, et puis aussi des fois à raccourcir les mots tellement que t'as plus qu'un son qui sort, genre Enzen, truc comme ça. Du coup, c'est très. Ils sont fatigués, Mais quoi. c'est hyper fun. Ouais. Bah ouais, je pense que les Japonais, de manière générale, sont assez fatigués. Les rythmes de travail sont vraiment extrêmement intenses. Toute la nuit, il y a des gens. Enfin, les combinés, par exemple, c'est ouvert 24 heures sur 24. Les gens, ils bossent vraiment beaucoup. Et je crois que autant tu vois beaucoup de gens dormir à Lille dans le métro le matin. Mais là, c'est à 17 h, les gens, ils sont KO. Des fois, ils sont KO technique. Ils font Ah, la sieste. d'accord. Et alors, les C'est groupes, vraiment. bon, tu m'as envoyé tout à l'heure quelques morceaux de musique à passer. Les groupes aussi sont chaos techniques, des fois ou pas? Et les groupes sont souvent, sont même extrêmement souvent très bons et très au taquet de la musique qu'ils font, quoi. Ce qui est un peu, je trouve, impressionnant sur cette île en général, c'est que c'est que bah, le niveau des groupes est très bon et Ah. ils ont toujours des purs grattes. Alors ça, c'est vraiment, je sais pas combien de grattes incroyables j'ai vu du musicien ou de la musicienne les plus amateurs jusqu'au plus pro. C'est un défilé de modes de marque et de D'accord. modèles plus impressionnants les uns que les autres. Et ça sonne trop bien, n'empêche. Hein, donc c'est pas pour rien. Mais c'est vraiment pas que la gueule. Puis les sets sont très bien rodés. Il y a un truc, moi ça m'apprend beaucoup de trucs aussi en termes de prestations de compte, de prestations scéniques, quoi. À savoir une entrée, une sortie bien faite et souvent des temps de set qui sont très très courts. Ok. Ça, on m'a fait plein de fois le coup de me demander de jouer 12 minutes ou 19 minutes ou 20 minutes. Donc tu le fais, Ouais. tu le fais à la manière Jody Faster, quoi. Bah ouais, bah c'est. Bah, j'ai pas la chance d'avoir des morceaux aussi courts que Jody Foster. Je sais pas écrire des trucs comme ça. Voilà. D'ailleurs, bisous les copains. Bisous les Jody. Mais ouais, c'est absolument. Il y a une rigueur de scène à avoir qui est un bon entraînement, je trouve. Et moi, ça me stimule bien, du coup, c'est cool. Et surtout qu'en plus, ça y arrive très spontanément qu'on te cale une espèce de spot de 20 minutes. On dit voilà, t'as deux morceaux. T'es une belle scène et tout. Allez, vas-y maintenant. Ok. Bon, bah Voilà. faut Donc, s'adapter, faut. Bah exactement, ouais, donc faut arriver avec 4 setlists dans ta tête, et puis bah c'est ce que je fais, hein, de toute façon, j'ai compris le truc assez rapidement, c'est t'arrives avec 4-5 setlists dans ta tête en fonction du temps de jeu qu'on va te donner, même les soirs où je joue pas, quoi, parce que en fait les gens ils me demandent Ok. les gens m'ont demandé beaucoup de jouer assez spontanément, ce qui a fait que je me refaisais inviter à des soirées qu'au bout d'un moment, ouais, je pense que j'ai arrêté de sortir pour arrêter de jouer à un moment parce que j'étais vraiment très fatigué. D'accord. Comme ça, Mais tu peux c'est dormir, quoi. super, c'est incroyable. Bon, Ouais, carrément. tu sais qu'il est 20h34, enfin ici à Lille, hein, Ouais. donc 3h34 heure de Tokyo. Donc tu m'as envoyé des trucs là, tu veux passer quelque chose en musique? Carrément, ben ouais, je vous ai préparé deux, trois trucs que j'ai trouvés Ouais. en allant me balader, en allant chercher des petites salles et en allant à des rendez-vous qu'on me donnait. Notamment par des Japonais locaux qui me proposaient d'aller voir des trucs en disant viens voir, c'est super cool. Donc je suis allé voir, je me suis retrouvé dans des salles souvent bien excentrées et dans des endroits très résidentiels. Et bon, l'astuce aussi qui est intéressante pour revenir sur le fait qu'il y ait de la verticalité, c'est qu'en fait, tu as des salles que tu n'entends pas du tout en pleine zone résidentielle et qui Ouais. jouent, quoi. Et du coup, tu as des groupes qui jouent hyper fort. Ouais, c'est ça qui c'est très. C'est là que bon, c'est pas facile à trouver la salle en elle-même, mais une fois que tu y es, tu te rends compte qu'effectivement, ouais, t'as 70 personnes à l'intérieur, t'as un bar qui tourne, t'as une entrée qui a un prix bah, plus cher que les entrées qu'on a à Lille pour les concerts. L'équivalent d'un CCL, tu vas payer ton entrée à peu près 7 ou 8 euros et tu vas être obligé de prendre une boisson. Mais tu auras 4 concerts et c'est voilà, c'est comme ça que c'est quoi. D'accord. On continue d'en parler après avoir passé un titre de musique là, parce que Voilà. quand même, hein, il Carrément. faut enchaîner sur la zik. Hein. J'y tiens. Ouais. Qu'est-ce que tu veux passer? Du coup, je te propose de passer un premier groupe que j'ai rencontré là il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours qui s'appelle alors It Spins at Night Ah ouais. Sometimes, ce qui s'appelle ça Yoruwa fait. etsu demo kaiten shiteru. Ah, t'es tellement bon, c'est ça, T'as vu, hein? exactement. J'ai répété. Ouais, C'est bien clair. joué. C'est un groupe de Jones que j'ai vu. C'est à mi-shoegaze, mi-techno, mi-je sais pas quoi. Mais en tout cas, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes ici, quoi? C'était un peu la question que je me posais. Du coup, je regardais un peu des groupes et non seulement ça joue très bien, mais en plus, ça propose des choses qu'en tout cas, moi, j'ai jamais vu quoi. Enfin, en tout cas, moi c'est de la musique d'insulaire quoi. Tu vois, tu arrives sur une île et tu vois comment les jeunes ils digèrent ça quoi. Et du coup, bon bah ça donne des groupes comme ça. Voilà. Du coup, c'est pour la curiosité, faut découvrir. Allez, on l'envoie. Voilà. Donc, je ne répète pas le titre. Il sera écrit de toute façon sur le site de l'émission. Et puis, les voici maintenant. Donc, 4 minutes 19, ça dure. Hein. T'as qu'à voir. Yo, yo, yo. fin de Yoruwa Itsu Demo Kaiten Shiteru. Le titre. Ça veut dire quoi? ça n'arrête pas de tourner la nuit, un truc dans ce genre-là. On reprend notre. On reprend l'antenne avec notre invité. Tu es toujours là? Toujours là. Salut. Ça marche vachement mieux. Ouais. C'est curieux, hein, y a des trucs comme ça. Ouais, donc c'était assez étrange ce genre de musique pour Pyongyang City Rockers. On en passe pas souvent ce genre de choses là, mais pourquoi pas. Et donc ouais, t'as parlé un petit peu du fait que contrairement, enfin c'est pas tout à fait la même chose que l'année dernière. La musique que tu joues, c'est quel genre de choses tu fais cette année au Japon? Bah alors cette année je fais un mix des morceaux de l'album qui va sortir probablement début octobre et également des morceaux que je fais avec Gary Lucas que j'ai appris à jouer à la guitare pour aller les jouer et en faire la promo quoi et aussi pour tester un petit peu le rendu des morceaux sur un public que je connaissais pas ou que je connaissais de l'année dernière en faisant une image et c'est à peu près ça, quoi. C'est un set purement acoustique avec une ou deux pédales d'effet, une wah-wah par moment, mais très simple. Ouais. Et voilà, c'est acoustique, quoi. C'est tout simple. Acoustique, quoi. Et donc, ouais. Ce que j'ai vu là tout à l'heure, tu répondais à quelqu'un sur un réseau social qui te demandait un peu de préciser. Tu disais que c'était du funk, mais fait comme du folk. J'aime bien la façon d'expliquer la chose, donc je le répète. Mais voilà. Et, ouais, c'est exactement ça. Et ça répond c'est exactement bien. Exactement ça. Et ça répond bien alors dans le public. Bah ouais, ça répond vraiment bien. C'est ça qui m'a vraiment poussé à continuer à ressortir tous les jours pour aller jouer parce que c'est le répondant était là et tout. J'ai eu des ovations dans des salles. C'est m'est arrivé très rarement dans ma vie quoi. Et c'est... ouais, les Lillois sont beaucoup plus réservés que les Japonais. Hein. Tu sais. Les Japonais ont pas, je sais pas si c'est pas si c'est une question de japonais, je pense que c'est plus une question de distance par rapport à la musique que je propose en termes de juste de distance de kilomètres et de culture quoi. Et puis les Japonais c'est vraiment, je pense que c'est un peu les Anglais de l'Asie quoi. Ils ont la chanson c'est... facile, ils chantent tout le temps dans les bars. C'est des insulaires. Mon cœur. Ouais, ils fonctionnent un peu de la même façon, mais il y a vraiment un truc en commun. C'est déjà, j'ai rarement vu autant de gens connaître les Beatles, mais par cœur, quoi. Alors ça, c'est très bien. Franchement, je pense que je vais finir par y aller un jour au Japon. Ouais, moi j'ai joué des chansons des Beatles à des moments parce que c'était l'occasion de faire chanter tout le monde. Et puis après, ils ont un folklore des années 70 qui est hyper riche. Et t'as un nombre de gens qui arrivent dans des open mic et des trucs comme ça qui viennent qui jouent des chansons et tout le monde chante directement quoi. Ouais. Et autant ils sont réservés sur l'approche, autant dès qu'il y a un déclencheur de quoi que ce soit, c'est parti, tu peux pas les arrêter quoi. C'est très très cool. C'est très très cool pour ça quoi. Mes chansons, elles ont un bon, je me suis même fait un top 10 des chansons préférées des gens parce que les gens ils t'en reparlent en fait, ils connaissent tes morceaux, ils connaissent les titres, ils s'intéressent ils veulent savoir de quoi ça parle s'ils comprennent pas et après ils te redemandent de la jouer une autre fois ils te recroisent. Okay. Ce qui est assez rigolo quoi, c'est cool. Bah c'est hyper chaleureux, c'est quand t'es un mec tout seul qui déboule pour aller jouer tes trucs et que les gens ils te disent tu peux me jouer Gabi Guitar s'il te plaît, tu peux me jouer Ladder of Love, tu peux me jouer la chanson là sur la fin du monde, tu peux me jouer Heavis the Ocean et tout, j'ai dit vas-y moi pas de problème, je te fais ça carrément, c'est tellement. Je l'ai fait un paquet de fois quoi parce que j'étais tellement touché par la démarche de venir te voir et de te dire ton truc là, c'est cool ça et tout. Ouais. Et y a des gens qui te suivent de salle en salle? Ouais. C'est un peu le délire, ouais. C'est pas non plus 1000 personnes, hein, mais il y en a plusieurs qui se repointent. Ouais. Je dirais qu'il y en a quand même une petite dizaine que je revois de salle en salle, pas tout le temps à chaque date, hein, mais c'est bien. Mais ils réapparaissent et puis ils font ouais. Faut leur faire des badges spécifiques de la tournée 2025. Ouais, bah, je suis venu pour faire la promo d'un album, pas pour lancer une secte. Hein, Nous, on a une secte avec des badges et tout. Enfin, on n'a plus de badges en ce moment. Voilà, Ah, quoi. intéressant. Et alors, Ouais. pour continuer la comparaison avec les Ouais. Britanniques, c'est aussi des gens qui boivent beaucoup de cervoise tiède ou pas? Oui, carrément. Ouais. Il y a un vrai amour de la bière ici. On n'avait pas autant vu venir l'année dernière que cette année. Il y a vraiment un goût pour la bière. Il y a des micro-brasseries, à mon avis. S'il y a des brasseurs qui pourraient aller faire des trucs au Japon, les Japonais seraient chauds. D'accord, bah, Les Japonais seraient chauds. Si vous voulez plein de brasser de bons la bière à renseignements. l'étranger ou ouvrir des boulangeries, allez-y. Hein. En Mais plus. faire du rock, c'est vraiment le truc qui les botte au maximum, quoi. T'as une scène, t'as un truc avec le rock ici qui est. Et même avec les supports physiques en général, qui fait que c'est Ah vraiment. putain. Juste pour parler en termes d'industrie de musique, c'est un peu une industrie à part entière, quoi. C'est. J'ai répété un truc que j'ai dit l'année dernière, mais c'est un paradis en fait. C'est vrai que ça a l'air pas mal. De ce point de En tout vue-là. cas, Ah, nous je sais l'avons pas. bien. Hein. Je sais pas. Hein. Moi, je pense que c'est à nuancer. C'est pas. Ouais. C'est comme en toute chose, quoi. Mais pour un rocker, ouais, c'est. Pour un rocker, c'est intéressant. Après, je sais pas trop comment c'est censé se passer. Je sais pas trop si j'ai un parcours ici qui est. Comment dire? Qui Conventionnel? est hyper facilement Ah reproductible oui, ouais. parce que les portes d'entrée qu'on a eues, elles ont été assez. C'est quand même pas si accessible que ça, même s'il y a des endroits qui le permettent, mais encore faut-il les trouver dans un pays aussi vaste, quoi. Mais ouais, il y a des. En tout cas, il y a des discussions sur la musique à avoir, à n'en pas finir avec des gens sur des disques. Sur toutes sortes de disques, et ouais, il y a des encyclopédies, il y a plein d'encyclopédies vivantes ici. Hein. C'est très très bien, quoi. C'est hyper plaisant, notamment parce que la langue c'est un obstacle, mais le rock'n'roll c'est quand même un truc. Bah, quand t'écoutes les mêmes disques que les gens, ça va tout de suite plus vite, quoi. Ça va tout de Tout à suite plus fait. vite. Ouais. Et mystérieusement, on finit C'est bien. par se comprendre assez vite. Et ça, c'est déjà constaté avec des gens venant de pays avec des langues bizarres, serbo-croates, etc. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà quoi. Alors, allez, tu sais qu'il est 20h48, on va pas avoir le temps de passer encore beaucoup de musique, donc il faut passer de la musique maintenant, sinon ça va pas aller. Ouais. Un Ouais, bah deuxième écoute, je titre, s'il te propose plaît. de passer la musique d'un deuxième groupe, ou plutôt d'un deuxième, on va passer directement à Daisuke Chiba. D'accord, Daisuke Chiba, c'est c'est. du rock'n'roll. Ouais, exactement, c'est du rock'n'roll, puisqu'on parle de rock'n'roll. C'est un gars qui fédère beaucoup de gens. Il a ouvert un bar qui s'appelle le Gabi Gabi. Il en a ouvert un deuxième Hey, t'en avais qui parlé l'an s'appelle aussi dernier, le ouais. Gabi Gabi. Exactement, ouais, bah, on est devenus plutôt bons amis. Sachant que moi j'ai rencontré ce gars-là quand j'avais 13 ans dans un manga, puisque en fait un de ses meilleurs amis est mangaka et a sorti un manga dans les années 2000 qui s'appelle Beck, qui a marqué autant de gens au Japon manifestement que en France aussi. Moi quand j'étais ado, je suis tombé là-dessus. Et du coup, ce mec n'est pas qu'un personnage, est une personne réelle, et il a une discographie prolifique de 200 morceaux. Ouais, ça C'est très va. très cool. Voilà, et le gars écrit super bien, les gens chantent ses trucs, il y a tout le temps du monde dans ces lieux, et puis c'est un genre de la mule solo de Tokyo, je D'accord. dirais. Voilà, il a écrit un morceau qui s'appelle Twilight Rocker, Yuga Rocker. J'en vois. Voilà, il faut écouter ça. You going on machine ロックを Daisuke Chiba sur ça sera à la fin. Daisuke Chiba donc sur l'antenne de Campus, c'est Pion Gangsta Rockers numéro 401 et nous sommes en plein en train d'interroger notre ami Yas qui est quelque part au bout du téléphone si la connexion se fait encore. T'es encore là? Je suis là. Ouais, il est là. Ouais, trop bien. C'est qu'il nous reste juste pile poil 5 minutes. On va récapituler un petit peu ce que tu fais. Là, qu'est-ce que tu vas faire demain, par exemple, à part dormir? Enfin, d'ici 10 minutes, tu dors, mais. Alors, demain, je finis de taffer l'arrangement de l'album pour préparer ma session de studio qui est le 31. J'ai 3 jours de studio, dont une journée d'enregistrement pour faire un feat avec Daisuke Chiba sur l'album. Ouais. Et après j'ai 2 jours calés dans un studio qui fonctionne à l'heure avec mon ingénieur du son qui s'appelle Ikari qui bosse chez Sony Music. Ok. Faut le savoir. Tu t'entoures. Voilà. Bah, c'est une rencontre fortuite de la nuit dans un bar de Yakuza où j'en ai joué à 2h du matin l'année dernière. T'as vu des vrais On Yakuza? Ouais. Oh, j'aurais vendu des disques même. Sans déconner. Et ils te les ont achetés à un bon prix? Bah, prix normal. Hein. Bon, d'accord. Ok. On va pas te demander ce que tu fais d'autre de tes nuits. Moi, quand j'entends vrai. Yakuza, quand même, c'est... ça me fait bizarre, quoi. Oui. Et tu reviens dans nos contrées quand? Le tour du 15 septembre, d'accord, si tout va bien. T'as encore le temps. Ouais. Tu vas encore faire 3 fois le tour du Japon avec encore 2 tournées là. Il faut que j'arrête de dire oui à faire des dates là. J'ai la dernière au 11 septembre au Rubirum à Shibuya et après je rentre pour retrouver un peu pour récupérer ma vie de tous les jours quand même. Ok. Donc je te demandais hors antenne, mais apparemment il n'y a pas beaucoup de dates là pour Yas Body dans les semaines et mois qui viennent. Peut-être un truc quand même, c'est ça que tu m'as dit Ouais, c'est ça, le samedi 18 octobre, il y a un truc qui s'appelle l'Autonner Fest à Brewep. Où ça? Voilà, à Brewep. Ah Brewep. Oui, d'accord, ok, merde, c'est dans quel bled déjà? Je me souviens plus. C'est Early. Ouais, Early, voilà. C'est à Early. D'accord. Early. Bon, bah, on aura l'occasion de le réannoncer celui-là. Ouais. Bah, écoute, Yas, merci encore infiniment d'avoir. Pris le temps de nous causer de loin et puis de passer de la musique. On se retrouvera très bientôt en chair et en os, peut-être dans le studio, peut-être dans une salle interlope du Vieux-Lille ou d'ailleurs dans Lille. Tu nous passes un dernier titre, c'est un titre à toi, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un titre que j'ai écrit avec Gary Lucas qui s'appelle The Unholy Three. C'est un titre qui parle de groupe de groupes de musique, de trio qui quittent la ville pour aller jouer ailleurs en cherchant des brèches pour se barrer toujours plus loin de chez soi. Ça parle de ça. On n'entendra pas la fin, on entendra juste le début. Il nous reste 2 minutes. C'est on cool. se dit au revoir. Merci, Yass. Bonne continuation et bonne fin de séjour studieux et travailleur à Tokyo. On se quitte pour Pyongyang City Rockers et c'était le numéro 401. On se retrouve la semaine prochaine pour le 402e numéro de PCR. Salut, Yass. Salut. Salut. Et puis on se quitte avec donc Gary Lucas et Yass Bodhi avec The Unholy Three. There was a city nobody could leave. A devil of a job kept people in. Watched by an eye in a tiny little box. Everybody had his own restless body with a restless soul. Life was walking naked in the cold. Stage to scene, food and water, fuel or sugar with a pint of beer. They can never feel better. Free young souls in the iron tree, name themselves the Unholy Three. Love and Jeremy, tonight they're gonna sleep.